إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, nous reprenons ce soir la lecture du hadith du noble compagnon appelé Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous rapporte le récit de son repentir suite à son absence à l'expédition de Tabouk. Dans le cours dernier, nous avons lu la première partie du hadith dans laquelle Ka'b radiyallahu anhu rapporte sa situation au moment de cette expédition et les circonstances de son absence. Ensuite, il a dit, radiyallahu anhu, lorsqu'il me parvint que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris le chemin du retour de Tabouk, je fus pris de tristesse. Il savait qu'il s'apprêtait à faire face à une situation difficile. Il dit, radiyallahu anhu, je me mis alors à imaginer des mensonges et à me demander comment je pourrais éviter sa colère. Je prenais conseil auprès des gens avisés de ma famille. Lorsqu'on me dit que l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était imminente, toute idée fausse s'éloigna de moi, et je fus convaincu que rien ne pourrait me sauver de lui. Je pris alors la décision d'être véridique avec lui. Médite donc ici sur la situation de ce noble compagnon, radiyallahu anhu, qui se retrouve dans cette situation difficile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est de retour de Tabouk. Et Ka'b va donc devoir s'expliquer au sujet de son absence. Et comme on l'a vu la semaine passée, il sait pertinemment qu'il n'a aucune excuse justifiant cette absence. Et dans ce genre de situation, nombreux sont ceux à penser au mensonge, à penser à trouver une excuse permettant d'éviter les sanctions et d'éviter les blâmes. Et c'est ce qui est arrivé à ce compagnon, radiyallahu anhu. Il cherchait un moyen de se soustraire à la colère du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa foi l'en empêcha. Et ceci est une grâce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui accorda en raison de sa bonne intention. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a donc préservé du péché du mensonge. Et Ka'b, radiyallahu anhu, fut persuadé qu'il devait être véridique. Il prit donc la ferme décision de ne dire que la vérité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas lui mentir. Et c'est ainsi que se doit d'agir le croyant. Lorsque tu te retrouves dans une telle situation, tu dois avoir la certitude que tu as un Seigneur qui t'observe, un Seigneur qui t'entend et qui te voit. Et tu dois te rappeler que tes paroles sont inscrites pour ou contre toi. Et même si le mensonge peut parfois sur le moment t'éviter certains problèmes en apparence, sois convaincu que ceci ne sera pas durable, que le mensonge a des conséquences fâcheuses tôt ou tard, et la réussite ne se trouve que dans la véracité, comme on va le voir dans la suite du hadith, incha'Allah ta'ala. Ensuite il dit, radiyallahu anhu, le matin venu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva. Et lorsqu'il revenait de voyage, il avait pour habitude de commencer par se rendre à la mosquée afin d'y accomplir une prière de deux unités, puis de s'asseoir afin de recevoir les gens. Ceci fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il rentrait de voyage, il avait pour habitude d'aller à la mosquée pour faire une prière de deux unités. Donc lorsque l'on rentre de voyage, avant de rentrer chez soi, il est légiféré pour celui qui en a les capacités, qui a accès à une mosquée dont les portes sont ouvertes, de commencer par se rendre à la mosquée afin d'accomplir deux unités de prière. Et ce n'est pas une condition que cette prière soit accomplie dans la mosquée la plus proche de ton domicile dans laquelle tu fais tes prières habituellement. Mais tu peux faire ces deux unités de prière dans la première mosquée parmi les mosquées de la ville où tu habites et tu auras ainsi atteint cette sunna, incha'Allah ta'ala. Ka'b a ensuite dit, lorsqu'il fit cela, c'est-à-dire lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis pour recevoir les gens, ceux qui s'étaient absentés de la bataille de Tabouk se rendirent auprès de lui pour présenter leurs excuses et jurer de leur bonne foi. Ils étaient plus de 80 hommes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs excuses apparentes. Ils lui prêtèrent allégeance et il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner tout en confiant à Allah les secrets de leur fort intérieur. Ces hommes qui venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les hypocrites. Ils s'étaient absentés de l'expédition de Tabouk sans aucune excuse. Mais ils juraient au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir des excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta donc ce qu'il montra en apparence. Et il confia ce qu'il cachait dans leur fort intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoquait donc en leur faveur pour qu'Allah les pardonne de ne pas être venu à cette expédition, bien que leurs excuses et leurs serments n'étaient que mensonges. Et comme on a dit, le mensonge peut parfois donner un semblant de réussite. Il peut parfois, sur le moment, te laisser penser que tu as pu t'en sortir. Mais en réalité, le mensonge est un grave péché et n'est d'aucune utilité. Et on a l'exemple ici de ces hypocrites qui mentent afin d'être excusés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur mensonge et l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur ne leur furent d'aucune utilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que chacun cache au fond de sa poitrine. Et il a dit subhanahu wa ta'ala à leur sujet, au verset 80 de surat at-Tawbah, « Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marra, falan yaghfir Allahu lahum. » Implore le pardon en leur faveur, ou ne l'implore pas. Et même si tu implores le pardon en leur faveur 70 fois, Allah ne leur pardonnera jamais. Pourquoi? Car ce sont des menteurs. Ils ne se sont pas repentis de ce péché. Au contraire, ils y ont ajouté le mensonge. Donc tu dois retenir ici cette leçon immense. Le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, invoque en leur faveur, mais cela ne leur est d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont-ceux malheureusement à souvent mentir, cherchant à obtenir la satisfaction de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs responsables, de leurs associés dans le commerce, de leurs collègues, ou même parfois devant leurs frères et sœurs ou devant leurs amis. Lorsqu'ils se retrouvent dans une situation inconfortable, ils vont inventer des excuses pour se sortir d'affaires ou pour obtenir la satisfaction d'autrui et pensent que cela leur est profitable. Même si tu tires un profit temporaire du mensonge, que tu réussis par un mensonge à éviter certains blâmes ou certaines réprimandes sur le moment, sache premièrement que le menteur finit toujours par être dévoilé. Et une fois le menteur dévoilé, il fait partie de sa sanction que même lorsqu'il dit la vérité, on ne le croit plus. Quoi qu'il dise, lui qui prend l'habitude de mentir, quoi qu'il dise aux gens, quoi qu'il fasse, sa parole sera toujours remise en question. Et ceci en réalité suffit comme sanction. Alors que dire si s'ajoute à cela les sanctions dans l'au-delà qui sont bien plus dures et bien plus durables car le mensonge fait partie des grands péchés. Deuxièmement, même si tu tires un profit temporaire du mensonge, que tu évites les blâmes des gens ou leurs réprimandes, sache que la satisfaction des gens ne te sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu dois craindre, ce n'est pas les blâmes des gens, ce n'est pas leurs réprimandes, mais ce que tu dois craindre, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait du mensonge un grand péché. Tu ne dois pas penser que mentir est une chose sans gravité. On sait qu'aujourd'hui c'est un péché qui s'est banalisé parmi les gens. Les gens mentent et pensent que ceci est sans gravité, que le mensonge est sans conséquence, alors que le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène en enfer, comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hypocrites, ils sont venus, ils ont menti, ils ont juré de leur bonne foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon en leur faveur, puis ils repartaient. Ka'b radiyallahu anhu dit ensuite, c'est alors que je vins à lui et le saluai. Il fit alors un sourire, exprimant son mécontentement, et me dit ensuite de venir. Il vit à travers son sourire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère. Je vins à lui en marchant jusqu'à m'asseoir devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle, afin qu'il se rapproche, et qu'il puisse lui parler avec cette proximité, car ceci est une meilleure manière de pouvoir échanger. Il me demanda alors, « Qu'est-ce qui t'a retenu en arrière? N'avais-tu pas acheté une monture ?» Je répondis, « Ô messager d'Allah, par Allah, si je m'étais assis devant un autre que toi parmi les gens de ce bas monde, j'aurais choisi d'éviter sa colère par une quelconque excuse. Et on m'a certes fait don de l'éloquence. Mais par Allah, je sais parfaitement que si je mens aujourd'hui pour te satisfaire, il se peut qu'Allah te mette en colère contre moi. Toutefois, si je te dis la vérité, au risque d'encourir ta colère, j'espère obtenir une fin heureuse de la part d'Allah. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Par Allah, je n'ai jamais été aussi fort et aussi aisé qu'au moment où j'ai manqué à ton appel. » On voit ici la véracité de Ka'ab radiallahu anhu, qui a compris qu'il ne lui était pas utile de mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude que la véracité le mènerait à une fin heureuse. Et nous avons ici un modèle exemplaire à suivre, car Ka'ab radiallahu anhu nous montre ici comment se doit d'agir le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation telle que la sienne. Il dit la vérité, même si dans l'immédiat les conséquences seront difficiles à supporter, car il sait pertinemment que le mensonge lui fera encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pertinemment qu'Allah l'observe, qu'Allah l'entend, qu'Allah le voit. Il a donc la certitude que seul le fait d'être véridique pourra lui permettre d'atteindre une fin louable, bi'idhnillahi ta'ala. Il y a donc une leçon à tirer ici, c'est qu'on ne doit pas seulement prendre en considération les intérêts ou les effets immédiats d'une action, mais il est nécessaire de regarder plus loin que cela, et toujours chercher à accomplir ce qui te permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si pour cela tu dois encourir la colère des gens. Car celui qui fait prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au détriment de la satisfaction des gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et il rendra les gens satisfaits de lui. Et inversement, celui qui recherche la satisfaction des gens au détriment de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, risque d'encourir la colère d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui, et il rendra les gens en colère contre lui. Comme il est venu, selon le sens, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde ici la situation de Ka'ab radiallahu anhu. C'était un homme éloquent. Il aurait facilement pu convaincre toute personne qu'il avait une excuse. Mais il fit prévaloir la satisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ne dit que la vérité. Et on voit également à travers cela que ce qui est pris en compte dans les propos d'une personne, ce n'est pas son éloquence ou sa belle manière de parler. Car l'éloquence et les beaux discours, ce n'est pas une preuve de la véracité de celui qui parle. Combien sont ceux à être éloquents à prononcer des beaux discours qui ne sont que des discours mensongers? Combien sont ceux à être éloquents et à prononcer des beaux discours et à appeler au mal, à la mécréance, au polythéisme ou à l'innovation? Ils sont nombreux. Les beaux parleurs sont nombreux malheureusement. Et nombre de gens se laissent tromper par l'éloquence de certaines personnes et les suivent alors dans le faux, Wallahu al-musta'an. Donc tu dois retenir cela ici, que l'éloquence ou la belle manière de parler n'est pas une preuve de la véracité de celui qui parle. Mais ce qui est pris en compte, c'est la nature de ses propos, ce qu'il dit, ce à quoi il appelle, est-ce que cela correspond à la vérité? Est-ce que cela correspond à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, et ainsi de suite. Ka'ab radiallahu anhu a ensuite dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, « Quant à celui-là, il a été véridique. Lève-toi jusqu'à ce qu'Allah juge à ton sujet. » On a vu en ce qui concerne les hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, après qu'ils lui eurent présenté leurs excuses, bien qu'ils mentaient. Et comme on a dit, ceci ne leur fut d'aucun profit. Et on voit ici que Ka'ab radiallahu anhu, lui, il n'a bénéficié d'aucune invocation à ce moment, bien qu'il fût véridique. Mais il accepta cette sentence, et il s'y soumit pleinement, et il lui suffit en réalité comme mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit à son sujet qu'il a été véridique. Quant à celui-là, il a été véridique. Ka'ab radiallahu anhu a ensuite dit, des hommes de Bani Salama me suivirent alors et me dirent, par Allah, Nous n'avons pas connaissance que tu aies fait un péché avant cela. Allahu Akbar. Regardez comment était Ka'b radiallahu anhu. Ces hommes lui disent, nous n'avons pas connaissance que tu aies fait un péché avant cela. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhum, étaient parmi les hommes les plus vertueux. Par Allah, nous n'avons pas connaissance que tu aies fait un péché avant cela. Tu as sûrement été incapable de trouver une excuse comme les autres qui se sont absentés. Et en ont trouvé une auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, l'imploration du pardon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ta faveur, t'aurait suffi pour que ton péché soit pardonné. Ka'b radiallahu anhu a dit, par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches, au point que je voulus retourner auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour démentir mes propos. Ces hommes pensaient qu'il suffisait à Ka'b que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore le pardon en sa faveur pour qu'il soit pardonné. Et c'est pour cela qu'ils lui firent ces suggestions, au point de le faire hésiter et qu'il pense à revenir sur ses propos. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit et le préserva du mensonge, afin qu'il puisse atteindre un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son repentir soit réellement accepté. Il dit ensuite, je leur dis alors, quelqu'un d'autre est-il dans la même situation que moi? Ils répondirent oui. Deux hommes ont dit la même chose que toi, et on leur a dit la même chose qu'à toi. C'est-à-dire, il y a deux hommes qui ont été véridiques, et on leur a dit à tous deux de s'en aller, d'attendre le jugement d'Allah à leur sujet. Je demandai qui sont-ils? Ils répondirent Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ka'b radiallahu anhu a dit, ils me citèrent donc deux hommes vertueux, ayant participé à la bataille de Badr, et qui étaient des modèles à suivre. Une fois qu'ils me citèrent ces deux hommes, je persistai à être véridique. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut parfois faciliter à l'homme certaines causes qui l'aideront à délaisser le mal et les péchés. Et la cause ici fut qu'il prit pour modèle ces hommes vertueux. Lorsqu'il apprit que ces deux hommes étaient dans la même situation que lui, ceci le réconforta sur ses positions. Et il ne revint pas sur ses paroles, mais il resta ferme sur les propos véridiques qu'il avait tenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et abandonna toute idée de lui présenter de fausses excuses. Il se rangea donc dans le rang de ces deux hommes plutôt que dans le rang des hypocrites qui avaient menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors interdit qu'on nous adresse la parole, à nous trois seulement, parmi ceux qui s'étaient absentés. Les gens s'écartèrent alors de nous, où il a dit, les gens changèrent alors d'attitude envers nous, au point que la terre me devint étroite, comme si c'était une autre terre que celle que je connaissais. Et nous demeurâmes ainsi 50 jours. Durant 50 jours, Ka'b radiallahu anhu et ses deux compagnons furent boycottés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna leur boycott et plus personne ne leur parlait, ni ne leur adressait le salam, ni ne leur répondait, ni aucune parole, durant 50 jours, près de 2 mois. Imaginez la difficulté de cette épreuve. Il est à Médine et comme on va le voir, personne ne lui parle. Et on voit à travers cela la légitimité du boycott qui peut avoir lieu à titre de réprimande. Et ceci a certaines règles que nous ne pourrons pas développer ici. Ka'b radiallahu anhu dit ensuite, mes deux compagnons restaient cloîtrés chez eux, ne sortaient pas et ne cessaient de pleurer. Raison de la difficulté de l'épreuve. Ne sortaient pas de chez eux. Mais ils attendaient le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet et ne cessaient de pleurer. Et on voit ici leur véracité, la véracité de leurs regrets et de leurs remords, qui est une des conditions d'acceptation du repentir. Il dit ensuite, radiallahu anhu, quant à moi, j'étais le plus jeune et le plus ferme des trois. Je sortais pour accomplir la prière avec les musulmans, et j'allais dans les marchés. Mais personne ne m'adressait la parole. Je me rendais auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je le saluais, alors qu'il se trouvait à l'endroit où il s'asseyait après la prière. Et je me demandais s'il avait remué ou non les lèvres pour répondre à mon salut. Je faisais parfois la prière près de lui, jetant des regards dans sa direction. Pendant que j'accomplissais la prière, il me regardait. Mais dès que je me tournais vers lui, il détournait le regard. On voit ici la difficulté de l'épreuve qu'a dû endurer Ka'b radiallahu anhu. la difficulté de ce boycott. Il adresse les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il ne lui répond pas. Il ne lui adresse pas le salam et il ne répond pas à son salam. Et personne parmi les musulmans de Médine ne lui adresse la parole. Il dit, radiyallahu anhu, cette indifférence des musulmans à notre égard devint tellement insupportable que je me rendis en direction de la maison de mon cousin, Abu Qatada, et je passai au-dessus d'un des murs de la clôture extérieure. Abu Qatada était le fils de mon oncle paternel et l'une des personnes que j'aimais le plus. Je le saluai, mais par Allah, il ne répondit pas à mon salam. Je lui ai alors dit, « Oh Abu Qatada, je t'adjure par Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Et Abu Qatada de garder le silence. Je l'adjurai de nouveau, « Ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Mais il continua de rester silencieux. Je l'adjurai encore, et il me répondit, « Allah et son messager savent mieux. » Mes yeux débordèrent de larmes. Je passai alors au-dessus du mur et quittai cet endroit. On voit ici la patience de Ka'b radiyallahu anhu face à cette épreuve. Mais on voit également la fermeté des compagnons radiyallahu anhum dans leur obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Qatada est le cousin de Ka'b, une des personnes qu'il aime le plus. Malgré cela, Ka'b lui adresse les salutations et il ne lui répond pas. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de parler à Ka'b. Il lui a ordonné de s'écarter de lui, de le boycotter alors. Il obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que Ka'b soit l'un de ses plus proches parents. Aujourd'hui, nombre de personnes, lorsqu'ils se trouvent dans leur famille, ont tendance à avoir du laisser-aller quant aux ordres religieux. Sous prétexte de ne pas créer de conflits familiales, ils font des concessions au sujet de leur religion. Et ceci est une grave erreur. Et je dirais même que c'est un frein à la propagation de cette religion. Car si nous n'ordonnons pas le bien et que nous n'interdisons pas le mal, comment cette religion va-t-elle se propager? Si nous ne parlons pas de cette religion à nos plus proches parents, aux gens de notre entourage, qui va leur en parler? Si nous ne faisons pas les efforts pour appeler au bien et pour interdire le mal, comment cette religion va se répandre parmi les gens? Donc on a ici un modèle à suivre qui est celui de Abu Qatada radiyallahu anhu, qui fait prévaloir l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'amour qu'il doit certainement avoir pour son cousin qui est Ka'b radiyallahu anhu. Et ceci est une leçon immense parmi les leçons et les enseignements à tirer de ce hadith. Après cela, Ka'b radiyallahu anhu fit face à une nouvelle épreuve et c'est ce que nous verrons Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours, car le hadith est encore long. On va donc s'arrêter là et on le terminera, Inch'Allah ta'ala, lors de notre prochaine assise. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.